L'identité. Un hôtel dans une petite ville au bord de la mer en Normandie qu'ils avaient retrouvé par hasard dans un guide. Chantal est arrivée vendredi soir pour qu'elle puisse passer une nuit sans Jean-Marc qui voulait suivre le jour prochain vers midi. Elle a laissé sa valise dans sa chambre et elle est sortie et revenue au restaurant de l'hôtel après une petite promenade dans des rues inconnues. Vers 7h30, la salle était encore vide. Elle s'est assise à une table en attendant que quelqu'un la remarque. En face, à côté de la porte de la cuisine, il y avait deux serveuses absorbées dans une conversation. Comme Chantal détestait de demander à voix haute, elle s'est levée, elle a traversé la salle et elle s'est arrêtée à côté d'elle. Pourtant, elle était trop occupée d'elle-même. Je te le dis, ça dure déjà depuis 10 années. Je connais la famille, c'est affreux. Et il n'y a aucune trace, aucune. La télévision faisait une émission là-dessus. Qu'est-ce qui lui est donc arrivé? On ne peut pas se l'imaginer, c'est trop horrible. S'il s'était agi d'un meurtre, on aurait retrouvé le corps au moment qu'on cherchait partout dans la région. Et un enlèvement? Qu'est-ce qui pourrait l'avoir enlevé et pourquoi? Vu qu'il n'était pas très riche, on ne croyait pas à un enlèvement. Les deux serveuses étaient désolées du désespoir de la famille qui avait été présentée à la télévision. Est-ce que tu peux t'imaginer dans quel désespoir elle vit en ce moment? Ensuite, elle remarquait Chantal. Est-ce que vous connaissez l'émission de télévision au sujet de gens disparus? Elle s'appelle Perdu de vue. Oui, disait Chantal. Peut-être que vous avez vu ce qui est arrivé à la famille Bourdieu. Ils sont d'ici. Oui, c'est affreux, disait Chantal, qui ne savait pas comment elle pouvait passer d'une discussion sur une tragédie à une question banale de repas. Enfin, la serveuse lui dit de s'asseoir, qu'elle appelle le maître d'hôtel. Sa collègue ajoutait: Imaginez-vous cela. Quelqu'un que vous aimez disparaît, vous n'apprenez jamais ce qui s'est passé avec lui. C'est à devenir fou. À peine Chantal était de retour à sa place, le maître d'hôtel est venu.